France Inter. Bonjour, aujourd'hui dans Autant n'emporte l'histoire, 1941, la dissidence des jeunes Guadeloupéens contre Pétain. C'est une page méconnue, pour ne pas dire occultée, de notre histoire que nous allons faire revivre, celle de la résistance des Antilles françaises au régime de Vichy. Dès juillet 1940, malgré l'absence d'occupation nazie, les autorités coloniales ont mis en place un régime inspiré de la Révolution nationale. Un régime autoritaire et répressif que la majorité des Martiniquais et des Guadeloupéens refusent par attachement à la République et hantise d'un retour de l'esclavage. Dès 1940, de nombreux jeunes partent combattre dans les rangs des forces françaises libres de De Gaulle. C'est le départ en dissidence, un voyage long et périlleux qui les conduira jusqu'au combat meurtrier pour libérer la France. Pourtant, il faudra attendre les années 2000 pour que cette résistance soit enfin reconnue dans les commémorations nationales. C'est à travers les yeux de deux jeunes Guadeloupéens, Marie et Rodrigue Rozan, personnages de fiction, que nous raconterons cette histoire bien vraie. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Estelle Sarabulle, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, vous êtes française d'origine guadeloupéenne par votre père, tout c'est à ça fait. Vous appartenez à ce qu'on appelle la deuxième génération d'Antillais installée en Hexagone. Votre premier roman, Là où les chiens aboient par la queue, avait reçu un gros succès en 2018 quand il est sorti. Il avait même reçu un prix, le prix Stanislas du premier roman. Et c'est justement en le lisant que j'ai eu envie de vous demander d'écrire une fiction, pour autant n'importe l'histoire. Votre roman, à travers plusieurs destins singuliers, assez extraordinaires d'ailleurs, dessine une sorte d'histoire de la Guadeloupe au XXe siècle. Il était important pour vous de faire connaître cette histoire, Estelle Sarabulle ? Absolument, de la faire connaître surtout à travers un roman, puisque je trouvais que les Antilles en général étaient peu présentes dans la littérature française, malgré de grands auteurs. Et donc voilà, j'essayais d'apporter ma pierre à l'édifice et puis de parler d'une histoire qui m'est très intime. Que vous connaissez par votre famille ? Par ma famille, absolument. Qui vous a été racontée ? Qui m'a été racontée par mon père, par mon grand-père, qui est né en 1900, donc qui a connu toute l'histoire dont nous allons parler après. Il était là-bas au moment de la dissidence, en 1940, il avait déjà 40 ans. Et donc j'ai eu la chance qu'il vive jusqu'à 104 ans et qu'il me raconte un peu tout ça chaque fois que j'allais en vacances aux Antilles. Alors, l'histoire que vous avez écrite et que je vais raconter dans un instant commence en septembre 1941 à Pointe-à-Pitre. Cela fait plus d'un an que le régime de Vichy est en place. Qu'est-ce que cela a changé pour les Guadeloupéens ? Ça a tout changé, pour les Guadeloupéens comme pour les Martiniquais, puisque en Martinique, le gouverneur s'appelait l'amiral Robert. En Guadeloupe, c'était l'amiral Saurin. Et encore aujourd'hui, et du temps de mon grand-père, on me disait tout le temps, quand on était dans une période dure, ah, ça rappelle en temps Saurin. Ça rappelle l'époque de Saurin, qui était une période extrêmement dure et politiquement et socialement et économiquement. On va parler essentiellement dans cette émission de la Guadeloupe, parce que c'est le sujet de la fiction, c'est ce que vous connaissez vous-même le mieux, mais la Martinique, c'est la même histoire ? C'est la même histoire, la Martinique est engagée donc dans ce régime vichyste, tout comme la Guyane, c'est la politique de Vichy qui s'applique très durement, voire plus durement que dans l'Hexagone, puisqu'on impose aux populations des restrictions énormes et on supprime beaucoup de libertés dès le départ. Et on destitue aussi tous les élus politiques locaux qui avaient été démocratiquement élus. Oui, parce que donc jusqu'en juillet 1940, la Guadeloupe, la Martinique, comme la France, vivent sous la Troisième République, donc sous une démocratie, même si ça doit être un petit peu particulier, puisque absolument. c'est un empire colonial. Exactement, ce sont encore des colonies, mais néanmoins, il y a des conseils généraux, il y a des élus locaux, il y a des maires, il y a des élections. Donc, il y a des élections régulières. Et tous les citoyens, sauf les femmes, bien sûr, sont électeurs. Absolument. Oui. Comme en France, il y a des députés qui sont envoyés à l'Assemblée nationale. Donc il y a vraiment un système républicain qui est bien en place et qui est tout à fait adopté par la population. C'est même une fierté de faire partie justement de la citoyenneté française par l'acte de vote. Et les Noirs sont des citoyens à part entière. Ils sont sujets, encore, on disait ça, hein, de l'indigénat à l'époque. Oui. Mais néanmoins, effectivement, il y a un statut un peu à part et ils ont le droit de vote, contrairement à ce qui se passe en Algérie, par exemple. Donc très tôt, dès 1940, il y a des formes de résistance qui s'expriment en Guadeloupe. Oui, en Guadeloupe comme en Martinique, c'est arrivé très très vite, puisque quand les habitants ont vu arriver cet amiral Robert et cet amiral Saurin, ils ont été face à des personnalités ultra conservatrices, très vichistes, et qui ont commencé à mettre en place des lois qui se rapprochaient presque de la ségrégation. Il y avait vraiment un remplacement, notamment des petites élites locales, politiques, noires, par des représentants de la population blanche. On a commencé à empêcher les femmes de continuer à être institutrices, par exemple. Comme ça, il y avait tout un système de signes qui montraient qu'on rentrait dans une période très difficile. Le gouverneur, à l'époque, parlait de nettoyer les mœurs des indigènes. Donc c'est la Révolution nationale. Exactement. C'est la même idéologie. Même idéologie et tout de suite aux Antilles, quand on commence comme ça à régresser sur les libertés et à faire des différences de couleur de peau, ça rappelle l'esclavage. Oui, des mauvais souvenirs des pour les Antillais. Oui, oui. Merci Estelle Sarabulle. On reprend tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, 1941, la dissidence des jeunes Guadeloupéens contre Pétain. Un texte de vous, Estelle Sarabulle, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Baptiste Guiton. Bon, fini les révisions de grec et de latin pour aujourd'hui. Je suis content de sortir du lycée. Quelle ambiance de mort là-dedans. Depuis que les vichistes sont au pouvoir, tout le monde se surveille. Tout le monde a peur. Et en plus, avec les restrictions, on a faim. C'est pas mieux en ville. Ma chère Pointe-à-Pitre n'est plus la même avec ce couvre-feu. La place de la Victoire... Ah non, que dis-je ? La place du maréchal Pétain est vide. Et le port rempli de bateaux militaires. N'y pensons pas. Je dois me concentrer sur mon premier bac. De toute façon, rien d'autre à faire depuis que Saurin interdit tout. Les rassemblements, les fêtes, les balles. Ce qui fait le sel de la vie, quoi. Dire que je m'étais promis d'inviter à danser l'une des filles du censeur aux fêtes de fin d'année. Berthe ou Camille ? Elles sont à croquer toutes les deux. Berthe est la plus jolie, mais il me semble que Camille est la plus vive. C'est moi où elle me regarde avec insistance ces derniers temps. Encore une affiche sur la Révolution nationale. Allez hop, déchirée. Une de plus à mon palmarès. Septembre 1941. Le jeune Rodrigue Rozan, un des rares pensionnaires noirs du prestigieux lycée Carnot de Pointe-à-Pitre, se hâte de rentrer chez lui. Excellent élève, fils d'une commerçante et d'un économe travaillant sur une plantation de canne, Rodrigue a de l'ambition. Il veut faire du droit et pourquoi pas entamer une carrière politique comme son grand modèle, Paul Valentino. Fervent patriote et républicain, la famille Rozan place ses espoirs dans l'instruction. Rodrigue a la chance d'avoir obtenu une bourse, mais avec l'instauration du régime de Vichy, l'avenir est devenu plus incertain. Le jeune homme passe devant le marché aux épices, coupe par la rue Frébeau, grande artère commerçante, traverse la place de la Victoire, où se dresse depuis peu une statue du maréchal Pétain, longe la Darse aux eaux bleues. Quittant le centre-ville, il pénètre dans l'un des faubourgs où vivent les ouvriers et la petite classe moyenne. Les ruelles de terre battue où jouent les enfants n'ont ni égout ni électricité. En ces temps de privation, les maladies mortelles y sont un réel danger. La mère de Rodrigue vient de refermer les portes de son Lolo, petite épicerie de quartier où l'on vend de tout. Elle rentre à la maison avec sa fille Marie, qui à 20 ans a déjà atteint le statut enviable d'institutrice. Le foyer des Rozan ne départ pas dans le quartier. Case en bois, couverte d'un toit de tôle, garnie d'une minuscule véranda, où la famille aime profiter d'un peu de fraîcheur le soir, tout en saluant les voisins. Ah, Rodrigue, où rivez ? Comment ça s'est passé aujourd'hui au lycée ? J'ai trimé sur ma version latine. Tu n'as pas la tête trop farcie, petit frère. Il faut ce qu'il faut, il n'a pas fini. Dis, garçon, laissez ça là. Prends ce bidon pour aller me chercher de l'eau de mer. On a besoin de sel pour t'en manger. Encore, mais je voulais passer voir Firmin. Arrête avec ton Firmin. Vous perdez trop de temps ensemble. Et vous faites des bêtises, je le sais. Tu veux gâcher ton avenir ou quoi? Mais maman... C'était quoi cette idée d'aller peinturlurer des V et des libertés sur des murs? Qu'est-ce que tu racontes? Ne nie pas, je le sais. Oublie fini la geôle. La vie n'est pas assez dure comme ça. Inutile d'aller titiller les gendarmes. Dépêchez, ouais. Dans une heure, c'est le couvre-feu. Tu croyais vraiment berner maman? Comment elle a su? Le père de ton ami Firmin a vite repéré qu'un pot de peinture manquait dans son atelier. Tu penses bien avec les restrictions, il tient son inventaire à jour. Il a fouetté Firmin qui a tout avoué. Que faut-il faire alors, madame, je sais tout? Le peuple doit montrer ouvertement ce qu'il pense. Demain, il y a une manifestation en faveur de la France libre, sur le port. Que maman le veuille ou non, moi j'irai. Avec tes amis communistes? C'est pas dangereux? Certains finiront au fort Napoléon, c'est sûr. Notre cher Valentino est déjà au bagne, en Guyane. Mais plus nous serons nombreux, plus les gens se révolteront et moins la police pourra agir contre nous. J'irai avec toi. Non! Je vais pas te faire courir un tel risque, Rodrigue. Pas maintenant. Tu as ton bac à préparer et quand tu... Arrête! Est-ce qu'on n'a pas toujours tout fait ensemble? Si, Doudou, mais c'est du sérieux, là. Ou joue plus attraper des mancousses. Si tu y vas, je veux en être aussi. Comme tu veux. Ah, au fait, il y aura aussi le censeur de ton lycée. Ce n'est pas de ces filles que tu me parlais l'autre jour. Elles y seront? Possible. Elles sont courageuses. Camille termine sa formation d'infirmière. Il se pourrait bien qu'on ait besoin de... Mais tu n'es pas encore parti chercher l'eau? J'y vais. Qu'est-ce que vous manigancez encore? Chappé! Et toi, Marie, viens m'aider. Ils ont tiré! Tu te rends compte? La police nous a tiré dessus! Qu'est-ce que tu croyais? Par ici! Voilà, je crois qu'on est à l'abri. C'est révoltant. Une simple manifestation et on nous traite comme si on était des criminels. Calme-toi. On a montré que tous les Guadeloupéens n'étaient pas prêts à se soumettre aux lois racistes. C'est le plus important. Bon. T'as vu le censeur de mon lycée? Il marchait la tête haute, son canotier bien planté sur la tête. Il n'avait pas peur. Et Camille, avec son drapeau bleu-blanc-rouge, elle avait une sacrée allure elle aussi. Eh ben... Je vois que tu ne perds pas le nord, même en pleine manifestation. Bon, va falloir rentrer maintenant. Pourvu que les parents ne soient pas trop inquiétés. N'empêche, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est humiliant de savoir que des millions d'hommes se battent contre les nazis en Europe, en Afrique, partout. Et nous, toujours traités en citoyens de seconde zone. On peut rien faire alors qu'on est si près de l'Amérique. Les Américains, méfie-toi. Ils vont peut-être entrer en guerre, mais pour l'instant, ils se contentent de surveiller ce qui se passe ici. Et ils pratiquent la ségrégation chez eux. Les Noirs et les Blancs n'ont pas le droit de vivre ensemble. C'est vrai, ça? N'empêche, là-bas, c'est une terre de liberté. Ici, les grands propriétaires ont vendu la République pour garder leurs usines à sucre. Et si les nazis réinstauraient l'esclavage? Ça t'étonnerait? Je ne te savais pas si véhément. Forcément, tu me vois encore comme un bébé. Non, mais Marie, arrête, j'ai 16 ans, on n'a que 3 ans d'écart à la fin. Presque 4. Allez, je te taquine. Écoute, je ne voulais pas t'en parler tout de suite, mais je sais qu'il y a des groupes qui se forment un peu partout, en secret. De quoi tu parles? Des gens qui veulent vraiment entrer en dissidence et lutter contre les nouveaux maîtres et les gouverneurs envoyés par Vichy. Ici et en Martinique. Rodrigue, écoute-moi bien. Il y a des voies secrètes, des moyens d'aller se battre. Tu veux dire en quittant l'île? C'est un secret, n'en parle à personne. C'est ce que j'ai décidé de faire. Quoi? Mais comment ça? Attention! Patrouille. Viens, on va passer par la plage. Si on se fait arrêter, on dit qu'on cherche des cocos secs pour faire de l'huile. C'est quoi cette histoire de départ? C'est avec les communistes? Qu'est-ce que vous tramez? Il n'y a rien de très organisé. Simplement quelques réseaux de volontaires à droite à gauche, sans lien direct avec un bord politique. Moi, je l'ai appris par mes collègues de l'école, avant de me faire licencier. Tu t'es fait licencier? Dernière nouvelle? Mais pourquoi? Qui? Depuis que Sorin a déclaré que la place des femmes était au foyer, je le sentais venir. On m'a bien fait comprendre qu'il fallait que je quitte mon poste. Je pensais déjà depuis un bout de temps à me rendre utile au front, mais les élèves, c'était ceux qui me retenaient. Et papa et maman. Maintenant que je suis sans travail, c'est décidé. Je vais quitter l'île une de ces nuits pour rejoindre la Dominique. Comme beaucoup d'autres. De là-bas, les Anglais aident les dissidents à rejoindre le front du côté de la France libre, en vrais patriotes. Mais Marie... Camille aussi veut aller sur le front, comme infirmière. Tu ne dis plus rien ? Je sais pas, je réfléchis. Je m'attendais pas à ce que tu m'annonces tout ça. Mais vous partiriez quand ? D'ici quelques jours, dès que mes contacts me préviendront que c'est le bon moment. Évidemment. Je sais. Pas un mot aux parents. C'est pas possible. Je peux pas continuer comme ça. Dans ce mensonge et cette attente. Est-ce que je serai moins courageux que ma sœur ? Moins courageux que Camille ? Chaque fois que je vois son père au lycée, le censeur, j'ai envie de lui parler à cœur ouvert. Mais je veux pas le mettre en difficulté. Il prend assez de risques comme ça. Je suis sûr que c'est lui qui a dessiné la croix de Lorraine sur le tableau de la salle d'école. Personne n'a encore osé l'effacer. Et moi, est-ce que je vais rester assis là des mois, des années, à apprendre sagement mes leçons pendant que la France est humiliée ? De toute façon, à quoi me servira un diplôme d'avocat si je ne peux exercer nulle part ? Non, il faut que j'aille me battre, moi aussi, que je montre à Camille ce que je vaux. Et qui sait, si on ne se retrouverait pas ensemble à combattre pour l'honneur de la patrie et pour celui de notre petite île, ce serait merveilleux. Comme ses yeux. Terrible, mais merveilleux. Tu es sûr de toi ? Certain. Si tu m'aides pas, je trouverai un autre moyen. Je sais maintenant, il y a des gens à qui je peux m'adresser discrètement. Les francs-maçons que Sorin persécute, par exemple. Mais c'est dangereux. Rends-toi bien compte. D'abord, il y a la police ici. Ensuite, il y a la traversée de nuit vers les îles anglaises dans un petit canot. Sans lumière et sans radio pour ne pas se faire opérer. Et ensuite, ce sera la guerre. Tu n'as même pas l'âge de porter des pantalons. Ça suffit, Marie. On part quand ? Bon. Il vaut mieux qu'on utilise des passeurs différents pour multiplier nos chances. Moi, je vais passer par les Saintes avec des amis. Toi, je connais un pêcheur qui pourrait t'emmener directement depuis Trois-Rivières vers la Dominique. Oh, Rodrigue, dis-moi que je n'ai pas eu tort de te parler de ça. D'une façon ou d'une autre, je l'aurais fait. Je veux plus me contenter d'arracher des affiches. Mais Marie, faut qu'on le dise aux parents. On peut pas disparaître comme ça. Jésus, Marie, Joseph, mes deux enfants. Timoun en moins. Qu'est-ce qu'on va devenir, nous ? Et vous, qu'est-ce qui va vous arriver ? On n'en sait rien, maman. La Guadeloupe, le monde entier est dans l'obscurité. Et nous, nous sommes ravalés par les autorités au statut de nec pas français. Franchement, l'inaction est insupportable. La dissidence, au moins, c'est une lumière dans la nuit. La dissidence ? Vous croyez que les choses vont changer parce que quelques jeunes désœuvrés partent se battre du côté des Anglais ? Du côté de la France libre. Enfin, papa, c'est de marronnage qu'on parle, là. C'est en marronnant que les esclaves ont conquis leur liberté. C'est aussi en s'éduquant. Et moi qui me saigne aux quatre veines pour te faire faire des études. Justement ! À l'école, on m'a appris que la France pouvait être un pays humaniste. Mais tu connais notre histoire. Tu sais que nous, les Antillais, nous avons toujours dû lutter au nom de ces valeurs. Toi-même, tu supportes de plus en plus mal les exigences de Sorin et de tes patrons à l'usine. Hier, ils supprimaient le droit de vote. Aujourd'hui, ils te demandent de ficher les ouvriers pour surveiller leurs allées et venues. Et demain, ce sera quoi ? Il a raison. Quoi dans ça, Julie ? Mmh. Voilà où ça nous mène d'avoir éduqué nos enfants. Ils nous font durement la leçon. Bon, Marie, toi, au moins, tu devrais rester avec nous. Pourquoi ? Parce que je suis une femme ? Tu crois que ça faisait une différence au temps de l'esclavage ? C'est vrai, ça, une raison. Et puis, maintenant que je n'ai plus de travail, je n'ai pas envie d'être une bouche inutile à nourrir. On meurt déjà de faim. Sans nous, ça sera plus facile pour vous, ici. Dans l'armée de Gaulle, on sera nourris et formés. Il paraît même que je pourrais apprendre à conduire. Voyez-vous ça ? Bon. Et votre départ, c'est censé se passer comment ? Il y a un bail clandestin samedi, à Trois-Rivières. Des passeurs y seront. Vers 1h du matin, ils embarqueront ceux qui veulent aller à la Dominique. Rodrigue pourra en faire partie. Moi, j'ai déjà mon passage assuré depuis un autre point de ralliement, la même nuit. On a choisi ce moment-là parce que les pêcheurs prévoient une mer calme. Ne vous en faites pas. J'ai des amis à qui me fier, tout est organisé et vous recevrez de mes nouvelles dès que je serai en lieu sûr. Vous, vous devrez faire attention aux mouchards. Pas un mot. À personne. Maman, tu m'entends? Mmh. Parler, c'est risquer notre mort et pour vous, une amende et plusieurs années d'emprisonnement. Ma fille, tu es certaine que les personnes avec qui tu veux partir sont fiables? Oui, papa. Mon passage devrait se faire sans problème. Je ne peux pas vous en dire plus. Bien. Alors j'irai à toi, Rivière, avec Rodrigue. Je ne veux pas te laisser braver seul le couvre-feu et traverser toute la Basse-Terre en pleine nuit. Je connais des pistes. Oh non, Seigneur, non, Évariste, non, non. Je reviendrai ici au petit matin, et si on me soupçonne à la sucrerie, je dirai que j'ai été un peu malade. De toute façon, c'est vrai, vous me rendez malade, les enfants. Et je dois vous le dire aussi, je suis fier de vous. Moi aussi, je suis fier de vous. Je vous aime tellement tous les trois. Après une première abolition obtenue de haute lutte en 1794, le rétablissement de l'esclavage dans le sang par Napoléon en 1802 a marqué durablement les consciences dans les Antilles françaises. Ce n'est qu'en 1848 que la République abolit enfin l'esclavage. Mais Guadeloupéens et Martiniquais savent depuis longtemps que des droits acquis peuvent se perdre. Les lois racistes de Vichy rappellent ce fait aux habitants et suscitent un rejet massif par la population dès 1940. Il faut ajouter à cela un fort attachement aux valeurs de la République, diffusé par l'instruction publique depuis le XIXe siècle. Enfin, en cette première moitié du XXe siècle, Antillais et Guyanais considèrent qu'ils doivent manifester leur patriotisme et par là leur pleine citoyenneté en s'engageant dans l'armée française contre tout ennemi extérieur, comme ils l'ont déjà fait lors de la Première Guerre mondiale. Pour la jeunesse antillaise de 1940, l'engagement dans les forces françaises libres constitue la suite logique des luttes permanentes pour l'émancipation et l'égalité qui ont marqué la longue histoire de ces îles. C'est ici que nos chemins se séparent. Il est 9h. En marchant bien par la montagne, vous devriez arriver au bail d'ici 3h. Moi, je prends une autre route. Tiens, prends ça. Un revolver. Je te demande même pas où tu l'as trouvé. Merci, papa. Marie, promets-moi qu'on te reverra. Bien sûr. Même si je ne dois plus revoir ma terre natale avant longtemps, on se retrouvera. J'y vais. Prenez garde aux patrouilles. Ne vous faites voir de personne avant d'arriver à Trois-Rivières. Je connais la forêt mieux que quiconque. Ils nous auront pas. Petit frère, on sera en contact d'ici peu de temps. T'as intérêt à faire attention à ta peau. Oui. On doit aller. Profitons de la lune tant qu'on la voit. Il va pleuvoir bientôt, mettons-nous à couvert. Tu connais les anciennes traces laissées par les esclaves marrons? Tu nous en parlais toujours quand on était petits. Mon père, ma mère et la mère de ma mère avant, et leurs aïeux avant eux, ont toujours dit que ces actes de résistance étaient un héritage précieux. Tu vois, je savais pas qu'un jour je te ferais prendre ce chemin. On va s'arrêter plus loin. J'ai un ami à moi. Un ami à toi? En plein milieu de la forêt? Ah ouais. Tiens, c'est par là. Une cahute creusée dans le tronc d'un énorme akomaboukan. C'est quoi ici, papa? On dirait qu'il y a de la fumée. Gédéon! Oh! Gédéon! Quelqu'un sort. C'est Gédéon. Celui qui voit et qu'on ne voit pas. Ah bah, je le vois, moi. On dirait un spectre à s'avancer maigre et nu comme ça, à travers les vapeurs. Oublie les histoires de Dorlis, de Soukounian. Gédéon, c'est un sage. Et je veux qu'il te voie avant ton départ. C'est toi, Évariste? Longtemps pas voir, Timal. Taïni, qu'est-ce qui t'amène à cette heure-ci? Excuse-moi de te déranger au mi-temps de la nuit, vieux frère. Je t'amène mon fils, Rodrigue. Entrez. Venez vous sécher un peu. Ce feu perdu dans l'obscurité totale, J'aurais jamais cru que des gens vivaient si loin dans la montagne. Assieds-toi, Roderick. Alors, tu pars pour le grand combat ? Il te faudra être courageux sur l'eau comme sur terre. Mais d'abord, ce sera sur l'eau. Es-tu prêt à affronter la mer ? Oui, mais comment savez-vous ? Tu devras avoir le cœur aussi vaillant que celui de ta sœur. Maman de l'eau veut pas de vous. Ça veut dire qu'il traversera le canal sans peine ? Ça veut dire qu'il ne mourra ni dans un petit, ni dans un grand bateau. Et Marie, ma fille ? Tu peux la protéger, Gédéon ? Évariste, en ces temps de malfaisance, je ne sais pas si mon pouvoir s'étend aussi loin. Je ferai mon possible. Il y a beaucoup de forces contraires, à commencer ici, en Guadeloupe. Marie et un azote solide tous les deux. Saignez-vous les reins tous les deux. Il faut faire place au jour. Traverser la rivière Dolé, je n'ai vu personne par là. Vous arriverez sans mal à destination. Ensuite, prudence, mon petit. Je ferai des offrandes pour toi et ta sœur. Merci, monsieur. Allez, on repart. La basse terre est la partie montagneuse et boisée de la Guadeloupe, là où les marrons, en fuite, trouvaient refuge du temps de l'esclavage. Après être passé par son cœur luxuriant parsemé de chutes d'eau et de rivières, Évariste et Rodrigue se dirigent au sud vers le port de Trois-Rivières. C'est de là que s'embarquent les pêcheurs pour jeter leurs filets vers le petit archipel des Saintes ou vers l'île anglaise de la Dominique. Pour arriver en terre anglaise, Rodrigue et Marie devront traverser un canal large de 40 km qui a mauvaise réputation. Des courants puissants, une houle féroce entre océan Atlantique et mer des Caraïbes créent des vagues pouvant atteindre 4,50 m. Et des patrouilles sont prêtes à arraisonner les frêles esquifs. La traversée de nuit entre la Guadeloupe et la Dominique est une terrifiante épreuve. Bien des aspirants combattants s'y prendront à plusieurs fois pour faire la traversée et certains y laisseront la vie. Pourtant, à partir de 1942, la dissidence prendra forme avec l'exil de milliers de jeunes Guadeloupéens et Martiniquais. Après leur escale à la Dominique ou à Sainte-Lucie, ils partiront en Angleterre ou aux États-Unis pour y recevoir une formation militaire. Dès 1943, ils combattront dans les forces françaises libres. C'est à ce long périple que se préparent Rodrigue et Marie. Le bal, il n'est pas terminé. Il est 1h du matin. Bizarrement, cette marche m'a fait du bien. Je me sens en pleine forme. Je crois que j'arriverai à dire au revoir à papa sans pleurer, pourvu que le passeur soit au rendez-vous. L'île ne m'a jamais paru aussi petite, fragile. Je sens que j'abandonne tout de ma première vie. Je n'ai même pas pu avertir Firmin de mon départ. Ça me fait de la peine. Mais c'était trop risqué. Ces gens au bal, c'est leur façon d'être en dissidence. Combien parmi eux vont partir avec moi cette nuit ? La jeune fille là-bas, qui tourne au milieu des danseurs ? Mais oui, c'est Camille. Oh, Camille si belle. Si je monte avec elle, alors c'est un bon signe du destin. Je vous enverrai de mes nouvelles dès que je pourrai. Le pêcheur qui t'emmène, je le connais. Un type aguerri. Bon, la mer n'a pas l'air trop mauvaise. Au petit matin, vous devriez arriver en Dominique. Tu le connais ? Ça me rassure. Il paraît que certains passeurs sont des traîtres au service de la police et qu'ils noient les gens. Tiens, tu lui donneras ça. 200 francs ? Mais papa, comment tu les as eus ? Ta bicyclette, c'est pour ça que tu l'as vendue. Comment vous allez faire, maman et toi ? T'occupe pas de ça. Tu crois qu'il allait t'embarquer gratuitement sur son gommier ? Il prend des risques, lui aussi. Encore plus que vous sur ce passage, parce que lui, il doit revenir une fois qu'il vous aura débarqué. J'avais pas pensé à l'argent. Merci, papa. Allez, va. Je repars tout de suite pour pas attirer les soupçons à la sucrerie. Adieu, papa. Adieu, mon fils. Rodrigue et Marie réussissent à rejoindre les représentants des FFL à la Dominique. De là commence une nouvelle traversée, convoyée en bateau vers les États-Unis au risque d'être torpillée par un sous-marin allemand. Ils arrivent finalement à Fort Dix, dans le New Jersey. Dans cet immense camp de tente, d'une superficie égale à celle de la Martinique, les dissidents reçoivent une formation militaire. Comme leurs autres camarades antillais et guyanais, ils y découvrent aussi la ségrégation telle qu'elle se pratique aux États-Unis. Après plusieurs mois, ils sont envoyés au combat. Marie, ça y est, je pars. Tous ceux qui ont quitté les Antilles en même temps que nous ou juste après sont intégrés dans le bataillon des Antillais. Et toi ? Apte au service, dans le BMA5 aussi. Mon unité part pour le Maroc. Tu crois qu'on se verra souvent sur le terrain ? Je n'en sais rien, Doudou. Mais tu as intérêt à faire attention à toi, hein. Sinon je te retrouverai, je te fouetterai les fesses avec une branche de citronnier, comme quand tu étais petit. Tu ne saurais offenser un Horace. Horace ? Corneille, voyons. C'est la pièce que je disais au lycée, juste avant de partir. Je serai un héros comme Horace, pour le salut de la patrie. Mais dis donc, il ne tue pas sa sœur dans la pièce, ton Horace ? Une certaine Camille, en plus. Oui, bon, c'est la valeur d'Horace que je retiens. Son courage. Tu sais, en fait, j'ai peur. Tu serais complètement deg-deg si tu n'avais pas peur. Mais je crois que j'aurais plus jamais aussi peur que lors de la traversée vers la Dominique, sous la pluie. Quand le pauvre Gommier a été cerné par ce banc de baleines qui soufflait comme des canons de l'enfer. J'ai bien cru que j'allais finir englouti par ces monstres ou sous les paquets d'eau de mer, malgré les prédictions de Gédéon. Gédéon ? Le quimboiseur que m'a emmené voir papa avant la traversée. Quand le bateau s'est mis à tanguer, je me suis récité les vers de Corneille pour ne pas paniquer. Moi aussi j'avais peur. À bord, tout le monde vomissait. Et puis je craignais qu'on soit repéré et fusillé. Le quimboiseur avait raison. Maman de l'eau veillait sur nous. Et surtout, je tenais la main de Camille. J'avais peur, mais j'étais aux anges aussi. Elle sera dans la même unité que moi. On tâchera de te donner des nouvelles le plus souvent possible. Toi aussi, hein ? Promis. Tu sais qu'elle a bien voulu me donner une photo d'elle ? Regarde. Et elle m'a accordé un baiser. Voyez-vous ce petit coq d'à peine 17 ans ? Toi alors, hein ? Tandis que les premiers bataillons d'Antillais et de Guyanais partent sur le front, la situation aux Antilles françaises devient explosive. Entre blocus et réquisitions, pour Évariste et Julie comme pour l'ensemble de la population, trouver à manger et se vêtir est une lutte quotidienne. Sur place, les dissidents cherchent par tous les moyens à renverser le pouvoir. Des attaques d'usines, de postes de gendarmerie et de centres radio alternent avec des manifestations pro-de Gaulle. Les affrontements, durement réprimés par les gouverneurs, se soldent par des tirs mortels de la police sur la foule. L'anniversaire de la paix du 18 juin est tout de même célébré de plus en plus ouvertement et les militaires eux-mêmes commencent à se mutiner. Isolés, le pouvoir vichiste finit par capituler devant les insurgés. Après la Guyane en mars 1943, en mai, la Guadeloupe bascule dans le camp gaulliste, suivi par la Martinique. Le 14 juillet 1943, un représentant de la France libre débarque en Martinique et proclame le rétablissement de la République. Les Antilles françaises se sont libérées sans aucune aide extérieure. Cela n'empêche pas les dissidents exilés de continuer le combat. Évariste ! Évariste ! On a reçu une lettre. C'est Marie. Quoi ? Montre, montre ! Ils sont arrivés. Elle est là pour moi. Attends, attends, mes lunettes. Voilà. Montefiascone, 1er février 1944. Février ? Sa lettre a mis 6 mois pour nous arriver ? Chers parents, je trouve enfin quelques minutes pour me remettre à cette lettre commencée voici plusieurs semaines. Je suis en Italie en tant qu'auxiliaire féminine des armées de terre. J'ai fort à faire Et il s'est passé tellement de choses depuis mon départ. La discipline militaire ne m'a posé aucun problème. Je me suis même fait quelques amis sur le pont du bananier qui nous a transportés jusqu'au Maroc, au dépôt des isolés coloniaux. Au début, nos camarades français nous regardaient, nous, les Antillaises, avec méfiance. Et je dois dire, un peu de mépris. On ne me croyait pas quand je disais que j'étais institutrice. Figurez-vous qu'on m'a même fait passer un test d'écriture pour évaluer mon niveau. Quand les chefs ont vu que j'écrivais mieux que la plupart d'entre eux, leur ton a changé. À présent, je suis transmissionniste. Je répare les téléphones de campagne. Et j'ai bel et bien appris à conduire. J'espère un jour conduire une auto sur les Champs-Élysées. Vous imaginez ça? Les combats au Maroc et en Italie ont été durs, mais j'ai bon moral. Et dans l'ensemble, les soldats aussi. Nous sommes censés partir bientôt pour Alger. Je suivrai mon unité partout où elle ira. Je n'ai pas vu Rodrigue depuis plusieurs mois, mais le célèbre bataillon de marche des Antillais a fait forte impression sur toutes les armées, même sur les Américains. Je suis si fière. Ne vous inquiétez pas de ne pas avoir de lettres de lui, les communications sont difficiles. Un jour, nous serons de nouveau réunis tous les quatre, à la maison. Prenez soin de vous et conservez ce courage dont vous m'avez insufflé une part précieuse. Votre fille dévouée. Votre fille dévouée, Marie. Voilà qui ne me rassure pas. Que s'est-il passé depuis cette lettre? Où est-elle maintenant, ma fille chérie? Quant à Rodrigue, je suis inquiète. Qu'a ou qu'a comprendra dans ça? Ben, ça qu'a pour en dire. Il y a des batailles partout en France. Les alliés avancent et on dit que Paris sera libéré d'un jour à l'autre. Oh, bon Dieu, où est notre fils? Le Rhin. Jamais j'aurais imaginé défendre un jour ce fleuve énorme. Jamais j'aurais cru voir les Vosges non plus. Et la neige, c'est la première fois que je la vois. Mais je crois que j'y repenserai toujours avec des cadavres dessus et dessous. Au moins avec ce froid, l'odeur n'est pas aussi pestilentielle qu'en Italie. Les Allemands disent aux Alsaciens que nous les Noirs, nous sommes des cannibales. Ce serait plutôt le contraire. Hier, dans le village désert où nous sommes arrivés, la petite fille a pris le paquet de biscuits que je lui ai tendu. Je suis certain qu'elle n'aura plus jamais peur d'un noir. Il fait si froid que je ne sens plus mes mains. Mais je dois tenir. Il le faut pour mes camarades. Pour l'honneur du bataillon des Antillais. 21e Gatka. Les blindés allemands, je ne les crains pas. Camille. On s'est promis de se revoir. Bon Dieu, bon. Il tire sur moi. On ira au bal tous les deux. Rien que pour danser cette fois. Une biguine et puis une mazurka. Haché Bazot, touché. Je suis touché à la jambe. Je pisse le sang. Pour ta maman, on se mariera à l'église de Petit Canal. Les Alizés, le flamboyant de la place du lycée. Je serai un bon avocat. Ma jambe, pitié du Seigneur. Je ne danserai plus jamais. Le 11 novembre 1944, Marie défile sur les Champs-Élysées avec toutes les forces alliées, mais sans son frère, mort au combat. Au printemps 1945, Marie revient en Guadeloupe. Après des mois de lutte et de captivité, le socialiste Paul Valentino, qui parmi les premiers s'était élevé contre l'occupation vichyste des Antilles et dont Rodrigue avait fait son héros, est aussi de retour, élu maire de Pointe-à-Pitre, conseiller général, puis député. Il n'aura de cesse de dénoncer à Paris la mauvaise gestion du ravitaillement des Antilles françaises et la permanence des anciens schémas coloniaux. Peu à peu, la vie reprend à Pointe-à-Pitre, cette ville portuaire tournée vers la métropole. Marie, qu'est-ce que tu fais? Depuis ton retour, tu passes ton temps à regarder la mer. Je repense à l'année dernière. Quand notre régiment a défilé devant De Gaulle, c'était beau. Rodrigo était tellement fier de marcher devant l'homme du 18 juin. C'était pour vivre un jour comme ça qu'il... J'y pense tous les jours en allant sur sa tombe. Mais Marie, pourquoi tu ne viens pas le voir, toi? C'est trop tôt, je n'arrive pas à me dire qu'il n'est plus là. À part avec toi, je n'arrive pas à en parler. J'ai l'impression que personne ne veut comprendre. Hier, dans la rue Frébault, je suis passée devant la boutique de Madame Rose. Là, je l'ai entendu crier à quelqu'un. « Regardez donc, c'est Bouga Dissident, une fille de la dissidence. » Presque comme une insulte. Celle-là devrait se taire plus souvent qu'à son tour. Les choses sont confuses ici. Tous ces collabos de sorins qui sont encore bien en place. C'est à n'y rien comprendre. Je me demande si nous n'avons pas été dupés. Vous ? Vous avez été loyaux à la France. Nous étions des Horaces, comme disait Roderick. Marie, je t'en prie. Faut continuer vive. C'est ce que ton frère aurait voulu. Tu as raison, maman. Il va falloir continuer à vivre. Nous jaka oublié yo, nous pas qu'à parler de yo. Nous jaka oublié yo, nous pas qu'à parler de yo. 1941, la dissidence des jeunes Guadeloupéens contre Pétain, d'Estelle Sarabulle. Avec Rodrigue, Anthony Martine, Marie, Cindy Vincent, Évariste, Greg Germain, Julie, Souria Adèle, Gédéon le Quimboiseur, Christian Julien. Bruitage, Sophie Bissans. Prise de son, montage et mixage, Pierre-Henri et Timothée Hubert. Assistante à la réalisation, Justine Dibling. Réalisation, Baptiste Guiton. Stéphanie Duncan sur France Inter. Vous écoutez Autant d'emporte l'histoire sur France Inter, une émission réalisée par Audrey Ripouille, assistée de Frédéric Martin, programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Mathias Alléon. Estelle Sarabulle, merci de nous avoir fait vivre cette histoire. Elle se termine là, tristement. Si Marie a pu revenir saine et sauve de la guerre, son frère Rodrigue, lui, meurt sur le Rhin dans ce qui est, je suppose, la bataille d'Alsace. Début 1945, il appartenait au bataillon des Antillais, 21e Gatka, créé par De Gaulle en octobre 1942. Les jeunes dissidents des Antilles françaises ont payé cher leur engagement pour la France libre. Oui, tout à fait. Et pour écrire cette fiction, je me suis appuyé sur des témoignages de rescapés de cette époque qui en parlent avec beaucoup, beaucoup d'émotion encore, puisqu'ils ont vu la mort, ils ont vu leurs camarades mourir, ils ont vécu des batailles terribles et donc ils ont payé un vrai tribut. La jeunesse antillaise a payé un vrai tribut dans la Seconde Guerre mondiale. Donc les chiffres sont difficiles à évaluer. Hein. L'historien américain Eric Jennings, qui est un des premiers à s'être intéressé à cette histoire, parle de 4000 à 5000 jeunes Antillais partis rejoindre les forces françaises libres. Bon, j'ai regardé les chiffres de la Fondation pour la France libre, qui évoque le chiffre de 1700. Donc en juillet 1943, il y aurait eu 1700 jeunes. C'est difficile d'évaluer, de connaître précisément les chiffres. Et il y a eu des hommes, il y a eu des femmes aussi, comme Marie, engagées. Absolument. Dès le départ, il y a eu des femmes autant que des hommes engagés dans ce combat. Ce qui nous rattache aussi à l'histoire particulière des Antilles, puisque, comme je le dis un petit peu dans la fiction, les femmes, pendant l'esclavage, étaient traitées absolument à l'égal des hommes, aussi durement, elles faisaient les mêmes travaux. Et après l'esclavage, elles ont contribué économiquement, elles ont toujours travaillé. Il n'y a pas cette notion de femme au foyer qu'on peut trouver en France à la même époque, dans l'Hexagone. Et donc, quand il a fallu se battre pour la liberté, elles étaient présentes tout à fait dès le départ, autant que les hommes. Donc la dimension politique, mais aussi la hantise de retourner vers l'esclavage. C'est intéressant, cette espèce de vieille chose qui hante les esprits. Il y a eu l'abolition de l'esclavage pendant la Révolution française, qui a été rétablie par Napoléon, oui. Bonaparte, oui. Puis l'abolition en 1848 oui. par la République. Oui. Et donc cette crainte éventuelle que l'esclavage puisse être rétabli. Alors c'est la première fois dans l'histoire qu'on avait des hommes et des femmes qui avaient connu la liberté, qui se retrouvent de nouveau dans les fers. Donc vous imaginez le traumatisme que ça a été. Et c'est gardé dans les esprits. C'est gardé. Ouais. On ouais. sait qu'à tout moment, on peut revenir en arrière. Il n'y a jamais rien de gagné. Il y a aussi donc une longue tradition du marronnage, c'est-à-dire la résistance. La résistance. Tout donc la dissidence. Ouais. sous le régime de Vichy, ça réactive ses racines dans ce marronnage. Absolument, ça réactive de la résistance, parce qu'au moment où, finalement, on a voulu rétablir l'esclavage en 1802, il y a eu des combats déjà, des résistances très fortes, et des gens qui partaient dans la forêt et qui revenaient pour se battre. Donc ça, c'est encore absolument ancré dans les mémoires, c'est encore inscrit dans le paysage aujourd'hui. Il y a un fort, le fort d'Elgret, qui est connu justement à cause de la résistance de d'Elgret au rétablissement de l'esclavage, avec tout un tas d'hommes et de femmes. Donc c'est quelque chose qui suffit de réactiver pour que ça reparte. Parce que c'est dans la conscience, surtout de la jeunesse, qui est très attachée à la lutte pour la liberté. Les Antillais, donc, qui partent combattre, vont s'illustrer en Afrique du Nord, dans la campagne d'Italie, les durs combats, notamment de Monte Cassino, le débarquement en Provence, la campagne de France, la bataille d'Alsace, et aussi pour libérer la poche de Royan. Donc ça, c'est sur l'Atlantique, la poche de Royan qui est tenue par les Allemands au printemps 1945. Je vous propose d'écouter un reportage, justement, qui a été réalisé en mars 1945 dans les Charentes. Le reporter s'appelle Michel Droit. Il deviendra célèbre comme journaliste attitré du général de Gaulle à l'Élysée. Nous avons trouvé dans un petit village de la Charente-Maritime un bataillon de marche antillais. Et c'est avec un réel plaisir que nous avons voulu lui consacrer quelques instants. Vous entendez en ce moment un quatuor vocal qui interprète un air de cette terre lointaine. Eh bien, bravo pour ce morceau de musique. Dites-moi, vous êtes, je m'adresse au guitariste naturellement, vous êtes originaire d'où ? Je suis originaire de la Guadeloupe. Et vous, d'où êtes-vous ? Je suis de la Guadeloupe. La Guadeloupe aussi, mais vous êtes tous de la Guadeloupe, vous auriez pu me dire plus tôt. En majeure partie, la compagnie est plutôt de la Guadeloupe. Alors, vous êtes, il y a longtemps que vous êtes en France, vous ? Ah ben, il y a exactement 27 jours. 27 jours ? 27 jours, mais j'ai fait l'Amérique, j'ai fait l'Afrique du Nord. L'Amérique, l'Afrique du Nord ? Oui. Eh bien, c'est un beau voyage que vous avez fait, en effet. Eh bien, nous allons vous quitter, mais j'espère qu'avant de partir, vous allez nous jouer quand même un petit air de guitare. Alors allez-y. C'était donc Michel Droit interviewant des soldats guadeloupéens d'un bataillon de marche antillais qui, au printemps 1945, s'apprête à libérer la poche de Royan tenue par les Allemands. Quand le soldat lui dit qu'il est passé par les États-Unis et l'Afrique du Nord, le journaliste ne prend pas la mesure, je pense, du chemin parcouru. Il parle d'un beau voyage. Donc à la libération, les dissidents seront accueillis en héros à leur retour aux Antilles, mais curieusement, il faudra attendre les années 2000 pour que les combattants antillais soient associés aux commémorations nationales et que leur rôle soit officiellement reconnu à sa juste valeur. Comment l'expliquer, Estelle Sarabulle ? C'est une volonté politique, clairement, puisque le général de Gaulle va demander au CNR, au Conseil National de la Résistance, de rayer les Antillais des cadres de la structure et de ne pas les prendre en compte dans cette histoire qui est en train de s'écrire et de se reconstituer de la résistance française. Alors ça paraît étrange et complètement même contradictoire, puisque, comme je vous le disais, les Antillais se battaient pour la France, pour la République, mais comme il n'y avait pas les nazis sur place, c'est qu'ils se sont battus contre un régime français, vichiste. On s'est tout de suite dit, enfin, je me mets dans la tête donc de Gaulle et du gouvernement d'époque, se sont dit, ah, mais peut-être que s'ils commencent à se battre comme ça, ils vont aller jusqu'à réclamer l'indépendance. Et les États-Unis ne sont pas loin. Il ne faudrait pas leur donner des idées de rattachement aux États-Unis. C'est une mécompréhension totale de ce qui animait l'esprit des Antillais, qui au contraire étaient très attachés à la France. À la fin de la fiction, vous faites dire à Marie tous ces collabos de Sorin qui sont encore bien en place, c'est à n'y rien comprendre. Donc c'est les collabos du régime de Vichy qui, malgré la libération, sont encore en place après la libération, ce qui est quand même... C'est essentiellement les grands propriétaires terriens, les grands patrons de l'île, qui sont les descendants des esclavagistes, qu'on appelle les béquets, et qui, en grande partie, ont soutenu le régime de Vichy, et qui étaient prêts ensuite, si c'était plus avantageux pour eux, de se vendre aux Américains. Ils ont joué un rôle très complexe. Alors, je veux pas tous les mêmes dans le même sac, mais il faut bien constater que dans leur grande majorité, ils ont collaboré au régime de Vichy et maintenu leur place dans l'économie de l'île avec le soutien de De Gaulle. Et il y a un sentiment d'avoir été dupé. Il y a un sentiment d'avoir été dupé. C'est très ambivalent. Il y a un tel amour pour la France et puis quand même pour l'acte héroïque qu'ils ont accompli que les Antillais, pendant longtemps, ont dit bah, « nous, on sait ce qu'on a fait ». Mais en même temps, il y a quand même une grande tristesse de voir qu'ils n'ont pas été reconnus et que même quand il y a eu les célébrations du débarquement de Provence où ils ont joué un grand rôle, ils n'ont pas été invités. Il a fallu que ce soit, juste après la guerre, c'est à la Dominique qu'il y a eu un monument valorisant l'effort antillais. À la Dominique, l'île anglaise, pas en France. Il a fallu attendre 60 ans. En 2009, le président Sarkozy a rendu hommage aux morts de Fort-de-France au monument de la Martinique. Oui. Merci beaucoup Estelle Sarabulle de nous avoir rappelé cette histoire méconnue. Votre livre « Là où les chiens aboient par la queue » a été publié en 2018 chez Liana Lévy. Plus récemment, vous avez publié « Les étoiles les plus filantes, cinéma bossa nova et CIA », toujours chez Liana Lévy. Et encore chez Liana Lévy, en 2024, vous publiez « Basse-Terre ». Et sur la Guadeloupe en guerre, on peut lire « Vichy sous les tropiques, la révolution nationale à Madagascar, Guadeloupe et Indochine, 1940-1944 » d'Eric Jennings chez Grasset. 2004. C'est la fin pour aujourd'hui d'Autant n'importe l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site radiofrance.fr où j'attends avec impatience vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Samedi prochain, changement de décor, nous partirons au Moyen-Âge en compagnie d'une héroïne nationale souvent récupérée mais finalement assez méconnue. Vous l'avez reconnue sans doute, Jeanne d'Arc, que l'on va découvrir montant au combat à cheval avec son armure et son épée, imposant le respect aux chevaliers, tous des hommes qui l'accompagnent et elle impressionne. Jeanne d'Arc, chef de guerre, c'est samedi prochain à 15h sur France Inter.